Ce soir j'arrête mes voyages dans un présent qui n'attend rien. La tête lourde et l'œil éteint, j'attends sans hâte mon naufrage. Le soleil assis sur la grève, la fleur soumise à l'araignée, l'ombre des femmes que j'ai aimées. Sous le soleil du moindre rêve, tout me revient. Quel mal me brûle de l'intérieur, quelle guérison manque à ma vie. Quel est l'enfer ou le mépris qui plaque mon âme à mes erreurs. Un rire qui sonne à la mémoire, un souvenir qui s'abandonne, qu'on lui pardonne, le vent qui se reverse à boire, tout me revient. Je brûle une rage au bord des lèvres, dans un baiser triste et stupide. Je sens si fort l'attrait du vide, que je ne suis plus que ma fièvre. Un film d'amour à la télé, un canard vieux d'une semaine, l'aumône des jours au cendrier, tout me revient. Quel faux soleil coule dans ma tête, à quel rayon suis-je accroché, quel petit prince m'a déserté, pour quelle étoile, pour quelle planète. Paris qui s'ouvre les artères, moi mon plafond cogne à mes yeux. C'est l'heure où l'on peut croire en Dieu. Paris, tu n'as qu'un cœur de pierre, tout me revient.